Les infos, c'est avec François Poulet. Bonjour. Bonjour à tous. On débute ce journal avec un mot de la météo de ce jeudi 8 novembre. Après quelques brumes ou brouillards locaux, retour du soleil sur toute la région Normandie avec un vent modéré de 1 à 10 degrés pour les températures. Comptez notamment 8 degrés pour Évreux, 9 degrés pour Val-de-Reuil et Rouen. L'après-midi sera d'abord clair, puis le ciel se voilera ou se couvrira avec un vent assez fort vers le Cotentin notamment et de 11 à 15 degrés pour les températures maximales. Demain, vendredi, pluie dans la nuit et dans l'après-midi. Matinée plus sèche. Les minimales seront de 5 à 12 degrés, puis de 11 à 14 degrés à la mi-journée. Samedi, pluie éclaircie, un risque d'orage sur le Cotentin. Il fera de 9 à 15 degrés. Et de 9 à 15 degrés à nouveau dimanche pour un 11 novembre pluvieux, mais ça séchera dans l'après-midi au sud-est. Des morceaux de corps humain ont été retrouvés en bordure de l'Eure hier dans la matinée par les gendarmes Eurois. Selon une source judiciaire, ils pourraient appartenir au corps démembré et décapité, découvert dimanche sur les bords de Seine, près de Rouen. Des examens doivent être pratiqués pour le confirmé. Pour rappel, dimanche, chemin du halage à Saint-Étienne-du-Rouvray, sur les bords de Seine, un homme qui n'avait ni tête, ni main, ni pied a été trouvé par la brigade fluviale de la gendarmerie de Rouen, emballé dans une bâche. Sa mort semblait récente. L'identification du corps est toujours en cours. D'après les premiers éléments de l'enquête confiée au service régional de police judiciaire, la piste de l'homicide est privilégiée. Au moment où on évoque au niveau national les problèmes de sécurité au sein des lycées et l'élaboration d'un nouveau plan d'action pour lutter contre les violences scolaires, il n'est peut-être pas inutile de rappeler que dans l'Eure, depuis 3 ans, le département met gratuitement en place des systèmes de vidéoprotection aux abords des collèges. Cette mesure, annoncée par Sébastien Lecornu dès son discours d'investiture à la présidence du conseil départemental en avril 2015, avait été critiquée par certains élus de l'opposition qui la taxaient de sécuritaire et de liberticide. Bien évidemment, il n'a jamais été question d'imposer des caméras, mais de proposer leur mise en place au conseil d'administration des établissements, à charge pour eux d'accepter ou non. C'est ce qu'assure aujourd'hui la présidence du conseil départemental. L'occasion de rappeler, consulter les équipes de direction, la communauté éducative et les parents d'élèves des collèges n'ont pas hésité et voté massivement pour autoriser la mise en place de systèmes de vidéoprotection aux entrées des établissements et dans les angles morts pour les parkings et les flancs de bâtiments. Ces caméras permettent en effet de prévenir l'atteinte aux personnes et aux biens et de faire reculer les incivilités et la délinquance. Cette vidéoprotection permet de dissuader, mais aussi, quand cela est nécessaire, d'identifier le ou les auteurs d'une incivilité grave ou d'un délit. Ainsi, en 3 ans, 31 collèges sur 54 ont déjà été équipés de systèmes de vidéoprotection financés à 100% par le département, qui a consacré 600 000 euros à cette mesure. Les installations se poursuivent et 4 nouveaux collèges seront équipés ces prochains mois. L'agglomération Évreux-Portes de Normandie entame des démarches pour adhérer à nouveau au CETOM, le syndicat mixte pour l'étude et le traitement des ordures ménagères. La collectivité avait été contrainte de quitter le syndicat au 1er janvier 2017 à la suite de la nouvelle organisation territoriale lui imposant de reprendre en direct la compétence déchets. Si pour les usagers, ce départ du CETOM n'avait pas suscité le moindre changement, une convention liant le CETOM et EPN a été établie. L'agglomération évreuxicienne, elle, n'avait plus voix au chapitre sur la gestion du syndicat. Une situation qui a surpris Rosine Coulon, vice-présidente d'EPN en charge de la propreté et du traitement des déchets, lorsqu'elle a pris ses fonctions en janvier 2017 à la suite de la fusion du GEA et de la communauté de communes, la Porte Normande. Évreux-Porte de Normandie représente près de 115 000 habitants. Les quantités de déchets collectés représentent près de 40% du tonnage des déchets traités par le CETOM. Il est important qu'un tel territoire ait la possibilité d'avoir son mot à dire et puisse peser dans les décisions du CETOM. C'est ce que défend la maire de Crotte. Le 10 avril, le conseil communautaire avait validé la réadhésion au CETOM. Pour EPN, la présence des principales installations du CETOM sur son territoire constitue un atout. Confier les ordures ménagères à un autre opérateur nécessiterait la réalisation d'équipements de transfert très coûteux et de supporter des charges de transport très élevées avec un impact environnemental non négligeable. C'est ce qu'a alors expliqué Rosine Coulon à ses collègues élus. Le CETOM a accepté cette demande lors d'un conseil syndical fin septembre. Depuis, il attend. Les statuts ont d'ores et déjà été modifiés en vue de l'adhésion d'EPN. En théorie, Évreux-Portes de Normandie devrait nommer en décembre ses 26 représentants au sein de la structure. 13 titulaires et autant de suppléants, c'est ce qu'a précisé la vice-présidente. On aurait pu réintégrer le CETOM avant le 31 décembre, c'est ce que souligne Rosine Coulon encore. C'était sans compter sur un récent courrier du préfet de l'Eure qui remet en question la délibération prise en avril. Le préfet souligne que certaines filières comme le carton, le bois ou les métaux doivent être intégrés à la compétence du CETOM, c'est ce qu'explique l'élu. Nous avions prévu de vendre une partie de ces matériaux à des entreprises spécialisées. La délibération devra être refaite, reportant d'autant l'entrée du conseil d'administration du CETOM. CETOM qui, ce vendredi, élira son nouveau président. La première hit radio en or.

je les emmêle. Si je dérange, c'est que je suis un pêle-mêle, un mélange. Je suis trop compliqué, je choisirai jamais que les deux côtés. Ne me demandez pas où je veux aller. Même les singes, les sages, et tous ces sages ont fait des cages où tous nous ranger. Range les gens qu'au fond jamais jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins et serré 10 000 mains. On peut aimer Brel et Meugui, aimer même nos ennemis. Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases. Je vis au jour le jour, alors je zigzague. Toujours avec ces lunettes noires, j'entends les gens se demander quand est-ce que tombe le masque. Le rappel des titres sur Cristal, François Poulet, bonjour à tous. Un mot de la météo pour débuter. Après quelques brumes ou brouillards locaux, retour du soleil sur toute la région avec un vent modéré et de 1 à 10 degrés pour les températures, entre 8 et 9 degrés du côté d'Évreux et Rouen. L'après-midi sera d'abord clair, puis le ciel se voilera ou se couvrira avec un vent assez fort vers le Cotentin notamment, et les températures maximales atteindront 11 à 15 degrés. Des morceaux de corps humains ont été retrouvés en bord de l'Eure ce mercredi dans la matinée par les gendarmes eurois. Selon une source judiciaire, ils pourraient appartenir au corps démembré et décapité découvert dimanche sur les bords de Seine près de Rouen. Des examens doivent être pratiqués pour le confirmer. Au moment où on évoque au niveau national les problèmes de sécurité au sein des lycées et l'élaboration d'un nouveau plan d'action pour lutter contre les violences scolaires, il n'est peut-être pas inutile de rappeler que dans l'Eure, depuis 3 ans, le département met gratuitement en place des systèmes de vidéoprotection aux abords des collèges. Cette mesure annoncée par Sébastien Lecornu dès son discours d'investiture à la présidence du conseil départemental en avril 2015 avait été critiquée par certains élus de l'opposition qui la taxaient de sécuritaire et de liberticide. Ainsi, en 3 ans, 31 collèges sur 54 ont déjà été équipé de systèmes de vidéoprotection financés à 100% par le département de l'Eure qui a consacré 600 000 euros à cette mesure. Voilà en ce qui concerne les titres de l'actualité. Très belle journée sur Cristal. La pause déj. La pause déj, la rediff, c'est jusqu'à 5h30 sur Cristal. C'est mon jour préféré de la semaine puisque ce sont vos enfants qui jouent à la pause déj et je suis sûre que c'est leur jour préféré dans la semaine aussi. Puisque pour la plupart d'entre eux, ils n'ont pas école, tout comme Luna du côté d'Hérouville-Saint-Clair. Bonjour Luna. Allô? Allô Luna, tu m'entends bien? Oui. T'es dans la voiture en ce moment, t'attends que ton frère sorte du lycée hein, pour aller manger, je suppose. Oui. Luna, oui. T'es en quelle classe? Oui. Alors t'es en quelle classe Luna? Est-ce que tu peux dire à ta maman d'enlever la radio derrière, s'il te plaît? Mamie, est-ce que tu peux entendre la radio? Voilà, petit remaniement, parce que sinon on nous entend en double. Et oui, il y a toujours un décalage entre ce qui se passe au studio et ce qui se passe dans votre voiture il y a 1 à 2 secondes. Alors, Luna, oui. C'est bon? Oui. Tout est prêt pour nous? Tu es en quelle classe? CM2. Tu as quel âge? J'ai 9 ans et demi. Est-ce que tu aimes bien ton maître ou ta maîtresse? Ben, ça dépend des jours. Ah d'accord, pourquoi? Il y a des jours où ça va pas trop, elle est pas trop bonne. En fait, c'est souvent que ça va pas parce que les maîtresses, elles sont un peu... Enfin, elle nous dispute alors que l'autre nous dit de faire un truc, ben l'autre va nous dire non, vous faites pas ce que l'autre nous a dit et tout, du coup c'est un peu énervant. Ah d'accord, non mais je comprends, bon c'est bien, c'est le moment des confidences en ce moment. Oui. C'est une maîtresse ou un maître? C'est trois maîtresses. Ah d'accord, et ça se trouve elle nous écoute en ce moment? Ben ouais, je sais pas. Bon, au moins, elles sauront ce que tu penses, Luna. Alors, Luna, toi, t'es une joueuse de guitare, apparemment. J'en joue pas, mais j'aime bien. Ah, d'accord, t'aimes bien l'écouter, quoi. Oui. Et ton amoureux, est-ce qu'il joue de la guitare ou pas? Non. Ah, et t'as un amoureux, du coup? Non. Non, d'accord, non, pas pour le moment. Mais il faudrait qu'il sache jouer de la guitare, quoi. Ce serait bien. Ouais, d'accord, ok. Donc, il y a au moins un critère à avoir, les garçons. C'est de savoir jouer de la guitare pour Luna. Alors, on y va, on va jouer à la pause déj. Il y a une minute de questions. Oui. D'accord. Tu peux passer si tu n'as pas la réponse. Il faut que tu fasses le meilleur score aujourd'hui. Est-ce que tu es prête? Oui. Et surtout, maman ou papa ne t'aide pas. Sinon, je n'accepte pas la réponse. Ok. 3, 2, 1. Quel artiste reconnais-tu dans cet extrait? What about us? What about all the times you said you had the answer? Ariana Grande? Donne-moi à 3 ans près l'âge de Matt Pokora. J'y pense. Que ne faut-il pas oublier d'attacher lorsqu'on monte dans une voiture? La ceinture de sécurité. Cite un signe astrologique qui est aussi le nom d'un animal. Scorpion? Comment dit-on vite en anglais? Classe. Combien de classes dans un collège qui compte 2 classes par niveau? 20. Elle peut être de France ou postale, de quoi s'agit-il? Passe. Qui présente l'émission Objectif Top Chef sur M6? Non, tu l'as toujours pas? Non. Bon, la minute est passée, Luna. Qui a un très joli prénom d'ailleurs, Luna, j'aime beaucoup. Alors, celui qui présente l'émission Objectif Top Chef sur M6, est-ce que tu regardes un peu la télé? Oui. Oui, est-ce que tu vois un monsieur chauve et qui est parfois un petit peu méchant? Oui, je crois qu'il s'appelle... Je sais plus, j'avais plus son nom. Philippe Etchebest. Oui, voilà. Alors, elle peut être de France ou postale. C'était la carte. Ah, la oui. Carte de France, la carte postale que tu dois envoyer des fois l'été pendant les vacances. C'est la corvée d'ailleurs pour les enfants. Et combien de classes dans un collège qui compte 2 classes par niveau? Il y a 4 niveaux au collège. 6e, 5e, 4e, 3e. Et s'il y a 2 classes par niveau, ça fait 8. Alors, Luna, tu restes avec nous? On va regarder combien de points tu as fait. Je regarde ça avec mon arbitre Jocelyne. Et juste après Jérémy Frérot, on te donne ton score. À tout de suite. À l'aube du grand tournant, non, il n'est pas fait. Ce qui plaisait pourtant, tant de déjà fait. Tous ces beaux paysages, là, je peux s'en moquer. Mais pousser les nuages, nous devons y pas. Ces pensées relevées sur cette lune, les yeux, pour que nos plumes s'émeuvent. Ah. du cadran. Oh, regarde bien tous ces gens. N'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe de la hauteur. Je suis avec Luna d'Hérouville-Saint-Clair. Luna, elle est en CM2. Et si je ne me trompe pas, tu as 10 ans, c'est ça ? 9 ans et demi. 9 ans et demi, excuse-moi. Bon, je t'ai vieilli. Excuse-moi, Luna. Oui. Alors, Luna, tu as répondu à mes questions aujourd'hui de la pause déj enfant pour gagner peut-être ton jeu vidéo sur la console de ton choix, le jeu vidéo que tu voudrais avoir peut-être pour Noël. Alors, Luna. Oui. Quel artiste il fallait reconnaître dans cet extrait ? What about us? What about all the times you said... Tu connais la chanson ? Non, mais je sais pas en fait. Je crois que c'est Ariana Grande, mais je suis pas sûre en fait. Alors non, ce n'est pas Ariana Grande, c'est Pink. Pink. Je te demandais à 3 ans près l'âge de Matt Pokora. Il a 33 ans, Matt Pokora. Oui. Il ne faut pas oublier d'attacher sa ceinture de sécurité quand on rentre dans une voiture. C'est une bonne réponse. Donc je te demandais aussi de citer un signe astrologique qui est aussi le nom d'un animal. Il y avait le bélier, il y avait le lion et le scorpion qui était ta réponse. Est-ce que tu as des cours d'anglais à l'école ? Oui, mais en ce moment, on n'en fait pas beaucoup. D'accord. Alors c'est peut-être pour ça que tu n'as pas eu la réponse. Faut pas t'en vouloir, du coup. Comment dit-on vite en anglais ? On dit quick. Oh, run. Quick. Tu as dit quoi ? Run. Run. Ah, run. Run, c'est courir. Courir. Quick, ça veut dire vite. Quick, comme le fast-food. Et alors, après c'était Philippe Etchebest, on a débriefé toutes les questions. Donc Luna, tu as fait 2 points aujourd'hui. D'accord. 2 points, mais tu as joué toute seule. Et ça, bravo. Merci. Tu peux être fière de toi, tu es passée à la radio aujourd'hui, tu as joué à la pause déj. Si tu n'es pas battue par les prochains candidats, on te rappelle et c'est toi qui gagne ton jeu vidéo, d'accord ? D'accord. Je te fais des gros bisous, Luna. Oui. Tu vas faire quoi cet après-midi ? Je sais pas. Tu sais pas ? Tu vas jouer ? Tu vas rester à la maison ? Peut-être. D'accord. Bon, je te fais des bisous. Passe une belle journée et tu reviens bientôt dans la pause déj, hein, si tu n'as pas gagné. Gros bisous. 02 32 23 53 96. Si vous pensez que vos enfants puissent battre Luna aujourd'hui, faire au moins 3 points pour remporter le jeu vidéo de leur choix sur la console de leur choix, vous appelez ce numéro-là. Bien sûr, je vous connais les ados, vous avez déjà votre téléphone portable, je suppose. Donc vous m'appelez tout de suite, hein, vous vous inscrivez vous-même. 02 32 23 53 96. La nuit, la pause déj passe en mode rediff sur Cristal. Will you hold the line when every one of them is giving up and giving in? Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Yeah, you're a natural living.

Quel instrument le médecin utilise-t-il pour écouter les battements du cœur? Un stéthoscope. En quelle année suis-je née si je fête aujourd'hui mes 17 ans? Passe. Combien de degrés dans un angle droit? 90. Eh bien joué! Bravo! Bravo, c'était bien 90, la réponse à cette question, combien de degrés dans un angle droit? Je te demandais un synonyme du mot beau, tu as dit joli. Il y avait aussi ravissant, il y avait aussi superbe. Le fruit qu'on peut manger après avoir cassé sa coque, malheureusement, tu as passé. Il y avait la noix, la noisette également. Je pouvais accepter aussi la noix de coco. Et tu ne t'es pas fait avoir. Bravo, j'adore cette question en plus. Cette année, Noël tombe un vendredi 13. Vrai ou faux? Tu n'es pas tombé dans le piège. C'était bien faux, la réponse. Ce n'est pas un vendredi 13, Noël. C'est un 25. Tous les ans, c'est la même chose. Ça ne changera jamais. Alors, du coup, Juliette, je pense que ça sent bon pour toi aujourd'hui. Hein? T'en penses quoi? Oui. Tu penses que t'as battu Luna? Oui. Bon, on va quand même vérifier ça. Hein. Je vais regarder ça avec mon arbitre. Et on revient vers toi juste après, Angèle, avec la thune. Ne raccroche pas, tout de suite. À tout de suite. Tout le monde, il veut seulement la thune. Et seulement ça, ça les fait bander. Tout le monde, il veut seulement la fame. Et seulement ça, ça les fait bouger. Bouger leur culottin d'un verre. Photo sur Insta, c'est obligé. Sinon, au fond, à quoi ça sert? Si c'est même pas pour leur montrer. Et puis, à quoi bon? T'es tellement seule derrière ton écran. Tu penses à ce que vont penser les gens. Mais tu les laisses tous indifférents. Oh. Et on adore sa voix ici dans les studios de Cristal. J'espère que vous aussi. Nous sommes dans la pause déj, midi 28. Aujourd'hui, ce sont les enfants qui jouent pour emporter leur jeu vidéo de leur choix. Et nous sommes avec Juliette de Barentin. Elle doit battre le score de Luna. Elle avait fait 2 points, Luna. Alors, Juliette, tu penses l'avoir battue aujourd'hui? Oui. Tu penses que tu as fait combien de points? 5. 5? Bon, je te trouve difficile avec toi quand même. Alors, il fallait reconnaître en effet dans cet extrait, c'était facile. Il est midi sur novembre, je t'ai perdu dans la chambre. Il fallait en effet reconnaître Louane et c'était à

tourmente. Je prends des tournants, je me tourmente. Je fais des pas sans y penser. Les démons m'invitent à danser. Une chorégraphie de comptoir sur un tango de désespoir. Belle mise à mort. Si tu voulais passer ce soir, mon cœur battrait peut-être encore. La pause déj, la rediff, c'est jusqu'à 5h30 sur Cristal. Et nous sommes avec une équipe, ce sont deux frangins, comme dit Jocelyne de la pause déj, l'arbitre. Bonjour à Alexis. Bonjour. Et il y a Dimitri avec toi. Bonjour. Salut Dimitri, m'a l'air d'être en forme aujourd'hui, Dimitri, là. Ça doit être les Dimitri, si vous écoutez le matin, hein. Ils sont toujours en forme, ceux-là, c'est fou. Alors, vous devez battre aujourd'hui notre candidate Juliette de Barentin. Vous habitez où ? À Tourny, dans l'Eure. À Tourny, dans l'Eure, bah, c'est bien, on est passé par le Calvados aujourd'hui, on est passé ensuite par la Seine-Maritime et ensuite par l'Eure. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de raconter, là ? Non, près de Vernon. D'accord, ok, près de Vernon. Ok, Tourny, c'est tout près de Vernon. Alors, Alexis et Dimitri, vous êtes en quelle classe ? Cinquième. D'accord. Et moi, CM1. Et toi, CM1, d'accord. Et vous avez des passions communes, tous les deux, ou pas ? Oui, le badminton pour moi. Et moi, le BMX. Ok. Et ça va, vous vous entendez bien, tous les deux ? Oui. C'est pas trop la bagarre à la maison ? Non. Non. Ah, c'est un peu ça, hein. Et alors, si vous gagnez votre jeu vidéo de votre choix aujourd'hui, vous allez choisir lequel ? Le jeu des quatre, je suis sur Xbox One. Donc vous êtes d'accord tous les deux sur le jeu ? Oui. Et ben ça c'est déjà bien. Alors les gars, vous allez jouer donc tous les deux aujourd'hui. Il faut faire au moins 9 points. 9 points, il va falloir être très très très rapide pour battre le score de Juliette. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. On y va, c'est parti. 3, 2, 1. Qui reconnais-tu dans cet extrait ? Quelle mer sépare la France de l'Angleterre ? La Manche. Cite-moi une race de chien, n'importe laquelle. Chien. Qu'est-ce qu'un trimaran ? Un bateau. Qu'y a-t-il à l'intérieur de l'œuf Kinder ? Un jouet. Dans la bande dessinée Astérix, il livre quoi, Obélix ? De menhir. Combien de paires de pattes possède une fourmi ? Qui présente l'émission Touche pas à mon poste ? C'est Cyril Hanouna. Donne-moi à 3 ans près l'âge de David Guetta. C'est 42. Combien de hauts dans Noix de coco ? 3. 200 moins 76 égale ? 176. Et 56 par 2 égale ? Divisé par 2. 56 divisé par 2, c'est égal à 28. Alors, je vous ai dit d'être rapide. Bah, ça a été le cas. Hein. On sentait le stress et l'envie de gagner aujourd'hui. Alors, je crois que c'est Dimitri que j'ai le plus entendu. Hein. Non, c'est moi. Ah non, c'est... D'accord, ok, c'est les deux. Bon, il y a eu les deux, excusez-moi. Alors, les gars, ça m'a l'air pas mal. Bon, 9 points, c'est pas facile à faire. Alors, non, c'est dur. Il y a eu des bonnes réponses, il y a eu des mauvaises réponses, malheureusement. Tu t'es fait avoir, alors je sais plus c'est lequel, hein, parce que vous avez quasiment la même voix, il y en a un qui a la voix un tout petit peu plus grave, mais je vous connais pas assez pour ça. Combien de paires de pattes possède une fourmi ? T'as répondu trop rapidement. Bah, c'était trois. Bah oui. 3 fois 2 égale 6 en effet, mais c'était 3 paires de pattes. Celui qui présente l'émission Touche pas à mon poste, c'est Cyril Hanouna. Vous regardez ou pas ? Non. Non, vous aimez pas ? Non. Vous faites quoi cette heure-ci ? Demain nous appartient. Ah, d'accord, vous suivez la série TF1. D'accord, ok. Combien de hauts dans Noix de Coco ? Il y en a bien 3. Et David Guetta fête aujourd'hui son anniversaire. David Guetta, même si c'est un DJ, même s'il paraît jeune, eh ben il a quand même plus d'un demi-siècle, il a 51 ans. Et je vous demandais à 3 ans près, vous m'avez dit 42 ans, donc ça ne passe pas pour aujourd'hui. Non. Alors, on va voir quand même hein, si vous avez battu Juliette de Barentin, puisque vous avez fait d'autres bonnes réponses. Le score total, ce sera juste après Koons avec Be Right There. Ans tous les mercredis. Vous jouez 02 32 23 53 96. En ce moment, on vous offre votre jeu vidéo de votre choix sur la console de votre choix. Nous sommes avec deux garçons. On a Dimitri et Alexis du côté de l'heure. Coucou les gars. Vous tentez de battre Juliette de Barentin. Elle a fait l'excellent score de 8 points aujourd'hui, Juliette. Ouais. Il fallait donc en faire 9 pour gagner la pause déj. On a vu que vous avez... Quelques mauvaises réponses, mais il y en avait des bonnes aussi. Alors, bon, quelle mer sépare la France de l'Angleterre ? C'est facile, ça, c'était la Manche. Oui. Je vous demandais de me citer une race de chien, n'importe laquelle. Vous avez dit chihuahua, mais il y avait aussi labrador, caniche, berger allemand. Un trimaran, c'est bien un bateau. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'œuf Kinder ? Un jouet ? Un jouet, une surprise, on accepte. Dans la bande dessinée d'Astérix, Obélix y livre bien des menhirs. Bien joué.

oubliant nos beautés, on s'est mis de côté. Je veux qu'on se regarde bien en face. Je ne squatterai plus. Squatterai. Ça va ce matin les amis, j'espère que le réveil n'est pas trop difficile. Hein. On est jeudi le 8 novembre et c'est bientôt le week-end. Et oui, bon enfin il y a encore de grosses journées de travail, hein. Mais après c'est repos pour la plupart d'entre vous, courage. Il est bientôt 6h, je sais que vous êtes nombreux à bosser, à nous écouter un petit peu partout dans la région, derrière votre poste radio, sur internet ou via l'application Cristal. Très bon réveil et merci d'être là, hein, comme tous les matins. Dans un instant, votre info locale bien sûr et la météo, mais d'abord c'est Alexandra pour l'horoscope du jour. Salut Alex. Bonjour à tous, bon jeudi 8 novembre, l'horoscope des béliers, l'envie de vous engager gagnera du terrain, mais pour cela faudrait-il encore rencontrer la bonne personne. Un tri s'imposera les taureaux, vous reviendrez aux valeurs amicales dignes de confiance. Gémeaux, les célibataires, vous dégagez des ondes positives qui attirent les regards, surtout dans votre quotidien immédiat. Cancer, le calme revient en famille, vous en profitez pour aborder des sujets qui étaient restés en suspens. Lion, sous une apparence de douceur, vous parviendrez à mener votre partenaire par le bout du nez. Vierge, vous vivrez vos amours sur un mode peace and love. Balance, même si l'on admire votre détermination à mener une tâche, on pourra aussi redouter vos excès. Scorpion, vous êtes de bonne humeur et cela vous donne de l'énergie à revendre. Les achats impulsifs, les sagittaires, vous savez au fond de vous que ce n'est pas la solution pour vous détendre. Prenez plutôt un bain chaud. Capricorne, vous serez déterminé à venir en aide à vos collègues avec un petit peu d'organisation et de méthode. Verseau, la loyauté fera partie aujourd'hui de vos engagements. Et les poissons, dans vos affaires de cœur, amis célibataires, vous ne manquerez vraiment pas d'imagination pour améliorer vos recherches. Excellente journée à tous.